Ben, bienvenue dans la cave, c'est notre premier podcast, c'est notre pilote avec Jake Dion. C'est et... toi, puis moi c'est Doom. Oui, et on est des amis d'enfance, puis adolescence, là. Enfin, oui, à quel âge? On avait du poil, là, quand on s'est vu, là. Toi, t'avais du poil, oui. Ouais, moi, je n'en avais pas beaucoup. OK. J'avais des cheveux roses, par exemple. Ouais. Et on avait peut-être 15-16 ans à peu près? Un petit peu plus. 16 et demi, mettons. Et en fait, l'émission, ce qu'on veut, c'est vous partager, revisiter des éléments, soit des jeux, des films, des animés. On avait une grosse période de Japon dans ce temps-là. Et donc, de replonger là-dedans et puis de vous en faire part. Bon. Des choses qui ont changé notre vie, même. Pour le bien et pour le pire. Pour le pire aussi, oui. On a découvert beaucoup de trucs japonais moins cool en même temps. Ouais. Alors, on passe ça en force avec un gros morceau aujourd'hui, Macross Plus. Oh my God! Ouais. C'est assez costaud. Alors, encore une fois, on ne prétend pas avoir toutes les informations clés et exactes. C'est vraiment de l'opinion et qui peut vous être utile. Donc, juste vous présenter Macross Plus, c'est une série en 4 OAV. En fait, c'est Original Video Animation, c'est l'équivalent du direct en vidéo au Japon. C'est sorti... C'est un mot qui va revenir souvent. Hein. OAV, on va le dire souvent. Ouais, mais en fait, tu vois, j'ai appris dans... Nous, quand on a découvert ça, on disait OAV, mais apparemment, c'était OVA pour le Original Video Animation. Et voilà. On s'en vient guide profond, là. Mais c'est ça, donc 4 segments d'une quarantaine de minutes chaque. Alors on se rappelle que l'OAV, contrairement aux séries télé qui étaient de 25-26 épisodes et des longs métrages en salle, c'est vraiment l'entre-deux, donc plus condensé, une production plus léchée. Et donc je pense qu'avec Macross Plus, on a un bel exemple de bonne production de ce côté-là. Eh, calicouille. Ben le pire, c'est que je sais pas si tu te rappelles, comment t'as découvert ça? On est-tu rendu là ou on va en parler plus tard? Ça? À peu près, ouais. On peut, ouais, juste dire, complément d'information, on va y revenir un petit peu plus tard. En plus de la version de 4 OAV, il y a une version formatée en film qui est de plus courte durée, mais avec des séquences rajoutées d'animation. Et dire aussi que ça a été réalisé par Shoji Kawamori et co-réalisé par un petit nouveau du temps qui s'appelait Shinichiro Watanabe, qu'on va y revenir un petit peu plus tard aussi. Oui. Mais oui, pour répondre à des questions, en fait, c'était l'avènement de l'animé à Lévis, parce qu'on vient de Lévis, en face de Québec. Et on a découvert ça avec le glorieux format du VHS, qui était... fallait reculer, avancer et copier aussi, si c'est possible. Ouais. Et moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, par rapport à Macross Plus. J'avais découvert ça au Super Club Vidéotron. Et la pochette m'attirait. Je crois que c'était le triangle iconique 3D. Ouais. Et donc, j'étais allé prendre ça. Et c'était la version en film, justement. Et j'apporte ça à la commis devant pour tout emballer, de pouvoir louer ça. Et la petite fille me regarde avec un air pratiquement de mépris et d'appétit. Ben oui. En me disant... T'écoutes des petits bonhommes? Non, même pas. Même pas. Elle apprend ça dans son système. Elle me dit... ouais, c'est sous-titré, t'es sûr que tu veux louer ça? Mm. Fait que là, évidemment, comme j'étais jeune et hautement influençable, maintenant je suis juste plus jeune, je suis allé en reporter, puis j'ai vraiment sorti de la crap. J'étais ressorti avec... l'adaptation animation japonaise de Battle Arena Toshinden. Oh oh! Que j'ai pas revu, mais que je pense que ça vaut pas la peine. Ben écoute, je sais pas, mais faut se rappeler qu'à l'époque aussi, l'animation japonaise commençait à s'exporter au Québec. Fait que c'était comme tout nouveau, là. On capotait ben raide. Ouais. Tout ce qu'on avait vu avant ça, c'était genre des cartoons à la télé quand on était kid, genre Minifée et Goldorak. Et, mais sans savoir que c'était japonais. Et en plus, tu sais, je m'appelle Rémi, puis tout ça. Ouais. Mais aussi, moi je me rappelle avoir vu Akira très jeune aussi. Oui, Akira c'était comme le seul, puis il était dans la section pour enfants. Ouais, en fait, là, c'était un peu comme la BD, que c'était considéré comme c'est de l'animation, donc c'est un public jeunesse, évidemment. Moi, je crois que j'avais loué ça à ma fête de 12 ou 13 ans. J'avais été semi-traumatisé, on avait trouvé ça long, mais ça avait quand même un impact qui a durer dans mon cerveau longtemps. Fait que c'est ça, comme tu dis, il y a eu une longue période qu'on n'a pas eu vraiment de contact avec ce type de médium de cinéma d'animation. Mais le pire, man, c'est que c'est encore de même aujourd'hui. C'est sûr que c'est moins dans les clubs vidéo parce que les clubs vidéo sont morts. Ouais. Mais c'est quoi, j'étais allé au Archambault récemment, puis il y avait la section manga. Mm-hmm. Puis ils mettent tout là-dedans, man. Fait que t'as autant genre des trucs vraiment pour kids, genre, je sais pas, t'sais, un manga pour kids, là, Naruto, mettons. Naruto. À côté de Berserk. Mais là, tu sais, t'as Berserk, là, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un manga médiéval extrêmement dark, avec des scènes de viol et de décapitation et de tout. Puis là, n'importe quel flow peut tomber là-dessus, faire « Maman, achète-moi un manga! » Puis la mère, elle a aucune idée. Fait qu'à l'époque, c'était un peu ça qui nous arrivait. Sauf que... moi, comment j'ai découvert ça, c'est qu'à l'Université Laval, ils faisaient des projections, puis c'était des hardcore nerds qui avaient un contact au Japon, qui se sous-titraient ça par des fans, qui tapaient ça sur VHS, puis qui projetaient ça sur un grand écran, genre à l'Université Laval. Ouais. On se rappelle, l'Internet haute vitesse n'existait pas, là. C'était, exact. Oh, shit, non. Hamster, pour ceux qui se rappellent. Ah oui, puis man, tu sais, si tu voulais downloader un trailer, là, ça te prenait un après-midi. Minimum. On est vieux, man. Puis, il présentait un paquet de trucs, puis c'est comme ça que j'ai découvert, genre, un peu l'animation japonaise. Fait que j'étais avec un autre de mes potes, qu'on va sûrement inviter un moment donné, G. Éventuellement. Salut Jean-Robert. Salut Jean-Robert. Puis. Mais t'as pas découvert Minecraft Plus à l'université? Non, sauf que j'ai découvert. Tu sais, comme je savais c'était quoi avant, mais il n'y avait pas de place pour louer ça. Tu pouvais juste les acheter à l'Imaginaire, qui était une grosse boutique de BD qui existe encore d'ailleurs. Puis il paraît que ça a full changé, puis c'est rendu full big, mais bon. Fait que finalement, on a trouvé une place au Vidéo J à Lévis pour louer des animés. Fait qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Ninja Scroll, Macross Plus et Toshinden, nommé. Après ça, il y en a eu d'autres, il y a eu les Evangelion, puis il y a eu un paquet de trucs. Mais ouais, on avait quand même un bon club pour ça, un bon fournisseur. Ouais, et Jeep et moi, on s'est tout de suite garoché parce qu'à l'époque, il y avait un deal 3 films, 3 jours, 3 piastres. C'était un enfant de même, là, ça n'avait aucun astuce bon sens. Fait qu'on a loué ça et écoute, on est tombé sur le cul. Moi, en plus, moi, j'étais un dessinateur. À l'époque, je trippais beaucoup comic book américain. Quand j'ai vu ça, ça m'a ouvert une porte. Ça a révolutionné tout. C'était comme... Puis, faut se rappeler aujourd'hui, tu sais, c'est à la télé, c'est partout, on est exposé à ça. Mais à l'époque, c'était comme si tu découvrais quelque chose de secret. C'est comme si tu rentrais dans un autre univers, tu sais. Puis, Macross Plus, la qualité de l'animation, comme tu dis, c'était des OAV ou des OVA. Donc, c'était pas comme une série télé. C'était pas de l'animation limitée. C'était vraiment genre comme du même calibre que Akira ou une grosse production dans le genre. Ouais. Fait... Et ça paraît pas quand on le regarde, mais je crois que il y alliait un petit peu de 3D derrière tout ça. Même si ça paraît quand même bien. Oui, ben ça c'est la séquence faite par Koji Morimoto qui est devenu. Je pensais que tu le savais pas, je voulais le dire plus tard, mais bon. Non, je le savais. Bon. Que j'ai son artbook, qui est un artiste extraordinaire, qui a fait d'ailleurs dans Animatrix... Beyond, je crois. C'est l'histoire de la petite fille dans Maison Hantée. Donc. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aussitôt que j'ai écouté Macross Plus, j'avais une espèce de rappel à mon enfance, car ça se passe dans le même univers que Robotech. Robotech, qui est en fait un vieux cartoon des années 70, puis Macross, les films de Macross se passent dans cet univers-là. Fait qu'il y a eu beaucoup de films de Macross avant Macross Plus. Un des plus connus, c'est Do You Remember Love, qui a été fait dans les débuts 80, puis qui est vraiment cool à écouter si on le prend d'un côté un peu nostalgique. Là. C'est très kitsch avec la grosse musique des années 80, puis du synthétiseur, puis une pop idol qui chante dans l'espace. Ouais. Puis ils ont tous récupéré ces thèmes-là pour rendre ça vraiment plus mature et adulte. Fait que ce qui est arrivé à beaucoup de gens qui ont découvert l'animation japonaise dans les années 90, c'est que on a découvert le top en premier. Fait qu'après ça, c'était comme dur d'aller rechercher ça parce que tu te rends compte que, OK, non, c'est pas... L'animation japonaise n'est pas toute comme ça. C'est vraiment genre... Ça, c'est les chefs-d'œuvre qui ont traversé. Ouais. Et surtout, l'impact va être diminué par la suite. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que, t'sais, après ça, je dis, hey, j'aime ma crosse. Tu vas te louer justement Toshinden. Puis là, tu fais comme, ah, si, c'est de la merde, man. C'est vraiment pas bon. T'sais. Fait que, Macross Plus, pour expliquer rapidement, ça se passe, bon, évidemment, dans l'univers de Robotech. Donc, mais je t'arrête tout de suite. Ouais. Moi, je connais pas vraiment le canon Macross. J'ai quand même fouillé rapidement tout ça. Mais Robotech, c'était pas une adaptation pour le public nord-américain ou c'est vraiment deux entités différentes? Parce que je crois que Macross, en dehors des films, il y a eu une série télé aussi. Oui, t'as raison, mais Robotech, en fait, c'est... Ben le nom japonais, malheureusement, je ne m'en rappelle pas. Mais Robotech, c'est, on le voit dans Macross Plus, c'est l'espèce d'immense robot. Oui, c'est la forteresse. Exactement, qui est gros comme 200 buildings, qui tombe sur Terre et ça fait évoluer de la technologie humaine. Mm. Après ça, dans Macross, ce qu'il exploite, c'est la guerre contre les Antardi, qui sont les espèces de bonhommes gris avec les cheveux verts. Ça, c'est une race qui se sont battus un contre l'autre pendant des années. Ouais. Et les humains, grâce à le gros building, je pense que c'est ça, Macross, en fait. Là, faudrait faire de la recherche. Je pense que c'est Super Dimensional Fortress Macross, SDF, quelque chose comme ça. Je te trosse là-dessus, même. Je pense que c'est Zentradi. C'est quoi que j'ai dit? Zentardi. Ah, Zentradi. Ah, ok, ouais. C'est pour ça que t'es là, man. C'est pour ça qu'on le fait ensemble, man. Dôme pis moi, si on fusionnerait, on serait comme une personne parfaite. Mais bon. Moi, je veux pas fusionner avec toi. Lui, il veut pas, moi, je veux. C'est comme, t'es comme Vegeta pis je suis comme Sangoku. Vegeta, il voulait pas fusionner avec Sangoku pis moi, je veux. D'accord. Alors, fusionnons ensemble, Dôme. Mais c'est. Fait que c'est ça. Fait que c'est une guerre entre le peuple humain qui se crée les. Comment ça s'appelle? Les Valkyries? C'est des espèces de jets qui se transforment en robots qui peuvent aller dans l'espace. Et, c'est les Zentradi. Je crois, oui. OK. Qui est une race, évidemment, d'aliens qui est en guerre avec les humains. Dans Macross Plus, ça se passe comme, on ne sait pas combien d'années après ça, mais... C'est en 2040. Ah, c'est même pas dans si longtemps que ça, c'est genre dans 30 ans, genre. Ouais. Bon, ben, tu sais, pour ceux qui sont c'est déçus... C'est comme 1914, mais... Pour ceux qui sont déçus de Retour vers le futur en 2015, faire comme, on n'a pas de char qui vole. Mais on va bientôt avoir les souliers qui s'attachent seuls. Ah, ça, j'ai hâte. Tu vas-tu t'en acheter, même? Non. Moi non plus. Mais j'aimerais ça juste voir quelqu'un qui se promène avec ça, je trouverais ça cool. T'avais-tu des Nike Pump, toi, dans le temps, que tu pompais? J'avais le sou, ça. C'était genre des pump it up, là, je sais pas trop. Okay. C'était genre la c'est juste marque. Esthétique, ça pompait pas. Exactement, bon. C'était dégueulasse. D'accord. Puis ça servait à rien, cette affaire-là. Bon. Mais, fait que là, c'est ça. C'est que dans Macross Plus, ça se passe des années plus tard, après cette grosse guerre-là, et le peuple d'aliens fait maintenant partie de notre communauté. Ils cohabitent, oui. On cohabite ensemble. Tu sais, comme la guerre est finie, sauf que... Il y a encore des problèmes. Il y a encore des... De la tension. Fait qu'on suit l'histoire de Isamu Dyson. Oui. Que j'adore son nom. Et je suis pas sûr, je pourrais pas le caler. Mais est-ce que, d'après toi, Dyson est une référence à Mike Dyson dans Terminator 2? Celui qui crée Skynet? Peut-être. C'est vraiment Mike Dyson. Mike Dyson, c'est proche que ça. Ouais. On passe tout le temps Dyson Technologies ou Dyson quelque chose, mais pas un Mike, là. La référence est trop directe. Mike Dyson. Et Dyson, en plus, c'est une compagnie qui font des produits de technologiques, genre des balayeuses et des essuie-mains, là. Tu sais, les espèces d'essuie-mains weird que tu mets tes mains genre à l'envers, ouais, pis ça te sèche, c'est Dyson qui fait ça. Fait que c'est comme Skynet, man. Ils vont rentrer dans notre univers là-même. Ouais. Mettre une puce quand tu mets tes mains. Pis... Exactement. Ouais. Puis ils vont te reconnaître les mains pis tes empreintes digitales, puis les robots vont t'attaquer. Ouais. Direct. Et Isamu, qui est quand même nonchalant, qui est cocky, hein? Qui est un personnage extraordinaire. Ouais. Moi, je m'en connais beaucoup. Tu te reconnais beaucoup là-dedans. D'accord. C'est en fait, l'histoire commence que c'est un pilote qui est extrêmement talentueux, mais qui fait par exprès pour gaffer tout le temps parce qu'il veut pas monter de grade. S'il monte trop haut de grade, il pilotera plus. Fait que lui, il fait par exprès pour faire des conneries. S'il est dans un shootout de vaisseau, il va se mettre devant son allié pour que l'allié fasse comme « fuck ». Tu sais, c'est un hothead. Comment on appelle ça en français? Genre un... Tête chaude. Tête chaude. Et c'est un gars super impulsif qui arrête pas de rire de lui-même. Et ça, on n'a pas parlé, mais aussi à l'époque... Toi, tu parlais que c'était sous-titré. Moi, je l'ai écouté en anglais, Macross Plus. C'est ça. Moi, j'avais mis la main sur l'édition movie, l'édition de film qui dure moins que 4 fois 40 minutes, qui était uniquement disponible... sous-titré. Voilà. Il y a une affaire qui est importante, c'est que à cette époque-là, les sous-titrages... pas les sous-titrages, mais les doublures, les doublages... Oui. Était fait par des gens qui croyaient pas nécessairement à l'industrie, donc c'était fait vraiment comme de très piètre qualité. Ah oui? Sauf quelques exceptions. Ben, et tout commençait autant pour l'industrie que pour les auditeurs. C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que t'avais autant du voice-over qui ressemblait à genre I will kill you now que Macross Plus qui ont engagé des vrais acteurs. Et moi, j'ai su ça récemment avant qu'on ait l'idée d'enregistrer ça. Que le personnage principal de Isamu Dyson, sa voix était interprétée par nul autre que Bryan Cranston. On parle de... Ah ouais, le gars de Malcolm in the Middle. Le gars de Malcolm in the Middle, mais aussi le gars de Breaking Bad, though, man. Oh! Toi, t'as pas écouté Breaking Bad, tu pas sais encore. Quoi le génie de ce gars-là. Pas encore. Mais, puis honnêtement, genre, après le podcast, allez, genre, voir un extrait YouTube ou quelque chose, hein. Ouais. Macross Plus, Isamu Dyson, ouais. Et on le reconnaît pas. Parce que Isamu, c'est un kid de quoi, 25 ans peut-être, à peu près? Ouais. Tu sais, il a pas 30 ans. Puis Bryan Cranston, ben c'est sûr qu'à l'époque, il était plus jeune, mais il a quand même une voix très de monsieur grave, là, tu sais. Mm-hmm. Puis là-dedans, il a vraiment une voix de kid. Fait que c'est comme... Même en le sachant, t'arrives pas à t'imaginer que c'est Bryan Cranston qui fait la voix. Ouais. Et on vous compte pas des menteries, j'avais quand même vérifié, mais c'est certain que si vous avez dans le générique de fin ou même sur IMDb, je crois qu'à l'époque, c'était crédité sous Lee Brandon ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment un pseudonyme ou un nom de changement. Fait que c'est bel et bien lui. Ah, ouais? Ouais. Au début, je te croyais pas, j'ai réécouté Macross, puis voyons, il est pas là. Fait que, mais finalement, en cherchant, oui, c'est bien lui. Ah, wow, ouais. C'est sympa. Merci pour ta recherche, Doug. fait que, là, on n'a même pas raconté l'histoire. Raconte l'histoire un peu. Alors, c'est en plus de Isamu Dyson, on a l'autre personnage secondaire qui est Gold Bowman, moitié Zentradi, qui est... En fait, Isamu et Gold se ramassent à venir tester les nouveaux Valkyrie que tu as appelé, tu vois, ça je savais même pas. Les nouveaux modèles d'avions en développement. C'est le YF-19. YF-19 pour Isamu Dyson et YF-21 pour Gold Bowman. Et évidemment, dès qu'ils vont se revoir, ils se reconnaissent, ils ont un passé, ils ont vraiment une rivalité entre eux. Et puis ils n'ont pas l'air de s'aimer, pas en tout, là. Ils se voient, puis ça. On va le mentionner plus tard, là, mais la musique dans cet animé japonais-là est incroyable. Et la tension quand les deux se voient, man. Oui. C'est fou. Oui, oui. S'ajoute à ça le troisième personnage qui va créer un beau triangle amoureux. Et petite parenthèse comme ça, le triangle iconique 3D, c'est une référence directe aux trois points de l'amour. Ah, sûrement, man. Sûrement plein d'autres choses. Sûrement, man. Oui. En tout cas, donc, personnage féminin, évidemment, du nom de Myun Fan Long. Et Myun Fan Long, donc ces trois personnes-là se connaissent depuis longtemps, ils ont un passé... Comme nous deux, man. On recule à l'adolescence. Ils se connaissent depuis longtemps. Depuis qu'ils sont ados, man, ils ont une histoire d'amour ensemble, comme nous deux. Je sais pas si on a des triangles amoureux dans l'espace, mais bon... Et en fait, la série, le film ouvre comme ça, sur un souvenir. On les voit les trois qui sont sur une colline. Myun chante avec le thème qui va devenir un leitmotiv musical qui va être récurrent. Ça, on pourrait peut-être même le plugger. Ouais. Genre un 30 secondes juste pour vous comprendre. À la place, parce qu'on voulait chanter a cappella, mais on chante ça a cappella? Non, on va vous épargner. En tout cas, on va le plugger parce que Dom, il veut pas que je chante, mais bon. Et donc, la passion de Myun pour le chant, pour la musique, et la passion d'Isamu et de Gold pour vraiment le vol aérien. Voilà, voilà. Et il ouvre, puis c'est des semi-vélos avec des ailes tout croche, mais il essaie de réussir. Et donc, c'est le premier élément au casse-tête, si tu veux. Ça set le ton parce que ça se passe dans un univers de sci-fi avec des vaisseaux qui se battent dans l'espace. Puis Macross Plus, contrairement à aller dans cette direction-là, part d'une base très humaine, très nostalgique. Fait qu'on voit, tu sais, comme sans savoir c'est qui, on voit comme trois ados dans un champ avec plein d'éoliennes qui testent une machine pour voler, dans le fond. Mm-hmm. Fait que là, ça dit tout de suite comme, OK, le focus, ça va pas être sur les gros robots pis la guerre, ça va être sur vraiment la relation humaine que ces trois personnes ont ensemble. T'sais. Ouais, ouais. Certains sont à l'avant-plan et c'est avant tout une histoire de d'émotion, de souvenirs, de... C'est une histoire d'amour. De relations humaines. Ouais, ouais. Ouais. Et comme on disait un peu plus tôt, t'as toutes les deux races, les semi-guerres, les différentes fédérations des planètes. Là, on se retrouve sur New Eden. Je ne sais plus si la Terre existe encore ou non. Ouais, on comprend que c'est comme... C'est ça. Dans le fond, Macross Plus se tient très bien indépendamment du reste, même si ça demeure dans le reste du canon de Macross. Mais en fait, je crois qu'il y a toujours ces éléments-là de space opera, de relations amoureuses, tendues, la musique, toujours. Je crois dans le Macross original, je crois que c'était le personnage de Minmay, qui, encore une fois, c'était une idol qui chantait. Donc, on reprend les mêmes thèmes, les mêmes codes, mais on les met dans une petite boîte, un petit triangle 3D pour faire du Macross Plus. C'est pas le Triforce, hein? Non. Mais juste un autre truc, j'ai oublié de le dire tantôt, comme quand on a découvert ça, c'est que avant de le louer, je n'avais entendu parler et j'avais downloadé justement un trailer pendant un après-midi de temps. Puis je pense que c'était même pas une minute, là, c'était 46 secondes. Un teaser de 30 secondes. Et c'était le teaser du film, donc de la version cinématographique qui est sortie en salle, en japonais, aucun sous-titrage, rien. Et ça a changé ma vie, pour vrai. C'était grosse séquence d'action débile, avec les vaisseaux et les missiles, parce que ça, c'est un autre trademark de Macross, les espèces de missiles qui partent dans tous les sens. Il y en a 20 de chaque aile qui part, puis ça vole partout, avec aucun sound effects, juste la voix de Myun qui chante le thème qu'on a plugué tantôt, ou qu'on va plugger plus tard. Le... Puis pour vrai, t'as des frissons parce que c'est le contraste entre la grosse action, ça est fait malin, mais en même temps, l'émotion très personnelle et intimiste. Ouais. Fait que là, on le sait que ces trois personnages-là, il y a eu un fuck. Parce que l'histoire, bon, on voit l'intro quand ils sont jeunes, on est plus tard, les personnages ne sont plus ensemble, on sait qu'il s'est passé de quoi. Fait que ça, c'est comme l'intrigue... Principal. Et sur ça, est-ce qu'on va en pause musicale et on revient avec le reste? On s'en va en musique, man. Okay. C'est comme la radio, man. On est comme à choix, man. Ouais. Et on a décidé ça entre nous, qu'on aime se faire découvrir des musiques, même si on... Il y a certaines musiques qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas l'un l'autre. Alors, oui. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette première essai de la cave? Ben, moi, je voulais mettre une musique qui vient de Macross Plus, même si on n'est pas obligé. Hein. Mm-hmm. Puis qui représente vraiment le contraste entre la sci-fi et le côté très humaniste, très introspectif de tout ça. Oui. Donc, on écoute Nomad Soul, version piano. Thank you. Mais tu sais, c'est juste pour dire que... Puis ça, c'est quelque chose que le réalisateur Shinichiro Watanabe va reprendre dans le futur, parce qu'on sait qu'après Macross Plus, il a travaillé sur une série qui est ma série préférée d'animé japonais, qui s'appelle Cowboy Bebop. Ouais. Et qui va souvent, genre... Qui est, la musique est composée par Yoko Kanno aussi, ouais, qui a fait Macross Plus. Mm-hmm. C'est qu'il va vraiment, genre, utiliser les contrastes absolus. Donc, on est dans le futur... Mais on va avoir du vieux slide guitar blues ou du vieux jazz des années 60. Ou, ouais. Toujours des référents qui, comme tu dis, contrastent, mais pour donner une base à l'auditeur et de l'émotion, justement. Puis, on l'a mentionné tantôt, Miyun est en fait l'agente dans le futur de Sharon Apple. Oui, elle est producer. Producer. Productrice, oui. Et Sharon Apple, c'est une pop idol, mais virtuelle, si voilà. Tu me permets c'est... d'en parler un petit peu. Vas-y, donc, oui, je oui. te laisse. Oui, en fait, tout le côté musical, dans autant au point de vue scénaristique que de la production de Yoko Kanno, ça m'a vraiment touché, ça a laissé un impact dans mon premier visionnage que j'ai eu. Donc, Sharon Apple, c'est la première fois qu'on la voit, c'est comme les grosses idoles d'aujourd'hui, elle sort sur le tapis rouge, des millions de flashs de caméras qui vont. Puis en fait, elle est comme voilée avec un petit drap rose, mais essentiellement, c'est une espèce de mini monolithe noir. C'est un cube rectangle noir qui est en fait un super ordinateur. Je viens de penser à ça. Imagine-toi, oui, entre le monolithe de 2001 et HAL. Tu viens encore de voler mes affaires. c'est pas grave, man. Okay, mais si tu allais faire référence à ça pour voir. Oui, parce qu'on sort, puis encore une fois, c'est, l'action se déroule comme prévu, et dans le milieu, sur son visage, en guise d'œil, il y a un point rouge. Et ça, je pense qu'on n'est pas dans le spectre du plagiat, mais plus de la référence, de l'hommage. Puis, comme tu viens de dire, HAL, l'intelligence artificielle de 2001, Odyssée de l'espace. Et on a vraiment un zoom là-dessus, et puis ensuite, elle y va, puis ça commence. Ouais. D'ailleurs, sais-tu pourquoi HAL s'appelle HAL? H-A-L? C'est, ben, ça doit être un acronyme pour quelque chose. Ouais, c'est les lettres avant IBM. OK. C'est fou, hein? c'est ça. Ah! Ouais, okay, ouais. Bon. C'est chaque lettre avant IBM, donc... Mais ça veut rien dire de plus que ça. Non, mais tu sais, le pire, c'est que HAL, ça sonne comme humain un peu. Ouais. Contrairement à IBM, qui sonne vraiment comme... Ibum. Ouais. Fait que... Ouais. Grosse référence à 2001, quand même, là. Ouais. Quand même. Et c'est certain que c'est Macross Plus, 2001, c'est pas les... Sûrement pas les premiers qui ont approché l'espèce de relation homme par rapport à la machine, ce que la machine peut ressentir des émotions humaines. C'est clair, etc. Mais c'est une belle référence, oui, parce qu'on parle d'une intelligence artificielle qui est en fait la première intelligence artificielle à produire de la musique de elle-même. Ce qu'on nous dit, ouais, c'est ça qu'on nous dit. Ce qu'on pense. C'est ça qu'on pense. Ouais, mais on va vite voir après le premier concert auquel assiste Isamu et toute sa bande, son équipe, qu'ils suivent dans le test du YF-19, donc le Valkyrie, l'avion, tout ça. Je t'arrête, il y a une petite séquence dans Macross Plus. Là, on va peut-être trop dans les micro-détails, mais ceux qui sont intéressés ou qui ont déjà écouté la série des Macross ou Do You Remember Love, c'est qu'il faut se rappeler que Miyun chantait avant d'être productrice. Ouais. Et... un moment donné, il y a une scène où elle rencontre des vieux amis, puis ils se rejoignent dans un karaoké. Oui. Puis ils boivent, puis Miyun ne veut pas chanter, mais l'amie féminine qui chante... Kate. Chante « My boyfriend is a pilot now », et ça, c'était le personnage dans « Do You Remember Love ». La chanson qui était de Minmay. Fait qu'on respecte le canon scénaristique. Il y a des liens. Il y a des liens partout, même. Et justement, dans le fond, c'est une petite chambre fermée de karaoké comme on connaît, j'imagine, au Japon. Et c'est agrémenté, c'est comme des papiers peints qui s'entrecoupent, qui se métamorphosent, mais ça prend toute la pièce. Ça me fait un peu penser dans 100% de Paul Pope, quand il y a même la fille en date, puis il y a comme plein de bisons qui courent ou quelque chose comme ça. Fait que ça devient totalement immersif. Là, c'est certain que c'est beaucoup moins intense, mais c'est une belle petite touche. Puis ce qui m'a frappé en le réécoutant, c'est le premier, la première image de la grosse forteresse de Macross sur gros fond rouge. Juste à la fin, quand elle termine de chanter, on a cette première image-là qu'on n'avait pas eue depuis le début de Macross Plus. Ouais. Alors, c'est un petit présage. Pour revenir au concert de Sharon Apple, comme tu l'as dit, séquence réalisée par Koji Morimoto, cofondateur des studios 4 degrés. Et voilà. Donc là, vraiment plus éclaté, personne épileptique s'abstenir, du stroboscope et plein de choses. Et justement, la compagnie américaine Manga Entertainment, qui est sortie ici, Macross Plus, Ninja Scroll, etc., reprenait beaucoup des extraits de cette séquence-là pour vendre dans leur bande-annonce et tout. Donc, parce que ça fait vraiment, vraiment genre « This is the future of animation from Manga Entertainment! » C'est vraiment, c'est la shot qui est comme « Wow! » Mais ça marche. Ça marche super bien. Il y a beaucoup de belles choses. Si vous voulez voir pour un autre extrait, pour connaître un peu Morimoto, je conseille très fortement de faire une petite recherche. Avec les mots-clés, le clip s'appelle « Connected » de l'artiste Ayumi Hamasaki. Et donc, ça a été produit par le studio 4 degrés, réalisé par Koji Morimoto. Encore là, c'est un peu comme la séquence de concert de Sharon Apple, mais vraiment expansion folle. Et c'est très, très explosif dans son imaginaire. Moi, si je peux vous conseiller de quoi de cet artiste-là, mais en fait, c'est une anthologie de petit cours d'animation, ça s'appelle Genius Party Beyond, parce qu'il y a Genius Party et il y a Genius Party Beyond qui est comme le deuxième volume anthologique. Et Koji Morimoto fait un cours là-dessus qui, je pense qu'il représente le mieux son style aujourd'hui. Ouais. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que Koji Morimoto a travaillé comme lead animator, je pense, ou animation director sur Akira. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas genre son premier film, là. C'est un vétéran, c'est un génie. Et c'est pour. Tu sais, man, ça s'appelle Genius Party, pis c'est juste comme des espèces de réalisateurs d'animation complètement débiles. Mais tu te rappelles, on avait vu le premier. À Fantasia. Ouais, pis il y avait un vieux de la vieille qui faisait une histoire très. Très cliché de genre de misconnection, que la fille arrive, pis le gars, il est pas à mauvaise place, pis. Finalement, après ça, on voit dans le segment, puis toi, t'es « Ah, oh, je savais que c'était un vieux! » c'était le premier Genius Party. Ouais. Genius Party Beyond, malheureusement, je l'ai pas vu en salle. Je l'ai écouté sur iTunes.videotron.com. Ouais. Mais qu'est-ce que ce site-là, c'est malade. Ouais. Mais est-ce que Tatsuyuki Tanaka avait pas fait... Est-ce qu'il a travaillé sur ce short-là? Où je me trompe, j'ai juste une image d'une fille avec des manettes puis tout ça. Ouais, sur Genius Party Beyond, il fait un short d'une fille Mais c'est pas le même que Morimoto. Non. Ok. Non, c'est pas le même, mais c'est aussi un animateur, Tatsuyuki Tanaka, qui a fait un artbook qui s'appelle Cannabis Work. C'est pas mal la seule chose en tant qu'artbook que vous pouvez trouver. Qu'on vous recommande chaudement. Ah, c'est malade. Ouais. Puis c'est un artiste débile. Lui, il a commencé à travailler comme key animator sur Akira à l'âge de 19 ans. Ok, c'est ça. C'est ça ma confusion parce que les deux... C'est ça, les deux ont travaillé sur Akira. Ouais. Fait que si vous pognez ça, mais ça n'a aucun lien avec Macross Plus. Ouais, là on divague un peu. Et c'est ça. Donc si on revient au concert, j'aimerais vous parler un peu justement de la compositrice de l'ensemble de Macross Plus, Yoko Kanno, qui... Yoko Tsuno, là. Yoko Kanno. Yoko Tsuno, c'est une BD, ça. Ouais! mais tu vois, j'en lisais, puis je pense que mon appréciation, mon intérêt pour le Japon, puis ça peut-être partir là. Mais ça aussi, c'était dans l'espace. Mais moi, je me rappelle juste que... Oui, t'as raison. Et l'on divague encore. Que Ben, quand il en a reparlé, puis je pense qu'il l'avait pas vu récemment, mais il était comme... était hot! Qui? Benoît Mercier, des Mystérieux. Okay. Il était comme... était hot! Était chicks! Mais en fait, c'est une petite fille de 14 ans, Ben. Fait que je sais pas ce que ça dit sur toi, là, mais... OK. Mais t'es grande. Non, man, c'était un petit enfant de 14 ans, man. Lui, sûrement qu'il se trompait avec Natacha. Ouais, c'est ça. Il sortait dans la même époque que ça, c'était une fille pulpeuse blonde. Mais c'est pas le même auteur? Non, je pense pas. Non. OK, bon. Yoko Tsuno, c'est vraiment une petite fille dans l'espace de 14 ans qui n'a aucune forme. Ah, tu vois, on a lu ça, sûrement, moi et Ben, indépendamment, quand nous, on n'avait pas de forme. Exact, très bien dit. Bon, retournons à New Eden et Macross Plus. Si New Eden, ouais. Qui est la Terre, en fait. Non, la nouvelle Terre, oui, c'est ça. La nouvelle Terre. Donc, Yoko Kanno, responsable de la musique merveilleuse de Macross Plus. Comme je disais, elle a beaucoup œuvré dans le domaine de l'animation. Comme tu as dit, elle a signé la trame sonore de Cowboy Bebop. Aussi avant Escaflowne. Ensuite, Wolf's Rain. Série télé, Ghost in the Shell, Standalone Complex. Donc, toujours des gros morceaux. Elle a aussi travaillé un peu pour le film et jeux vidéo aussi. Mais essentiellement, elle est reconnue dans le monde de l'animation japonaise. Sais-tu quel jeu vidéo elle a fait? Je crois que, rapidement comme ça, Napple Tail, okay, mais que je connais pas. J'avais juste des vieux MP3 comme ça. Mais je crois qu'il y a un petit quelque chose qu'on reconnaît quand c'est elle, quand il y a une petite touche de magie qui dit que ça, c'est du Yoko Kanno. Ouais. Je pense, elle est pianiste de formation, donc dans beaucoup de ses... ses compositions, elles vont l'incorporer. Et dans Macross Plus, je crois qu'il y a vraiment trois gros types de musique. Donc, quand on est dans les combats aériens, l'aspect vraiment orchestral, symphonique, grosse utilisation des cuivres. Mm. Ensuite, les situations plus de confrontation de personnages, très adoucis, un petit peu d'influence jazz, encore là, très piano. Ce qui est impressionnant, c'est son range. Oui, oui. Fait qu'elle va autant de... la grosse musique orchestrale, quasiment la John Williams, que au truc super simple au piano, que au gros jazz, que même... pour Sharon Apple, justement, le côté un peu plus expérimental électronique. Exact. Puis je pense que même elle chante sous un pseudonyme qui s'appelle Gabrielle quelque chose. Gabrielle Robin. En fait, ça, c'est, ça a été maintenu pendant longtemps, mais ça a été démenti. Notamment, Gabrielle Robin existe pour de vrai, c'est une personne à part entière. Oh my god, je savais pas ça, man! Il y en a qui pensaient que c'était vraiment juste un pseudonyme ou un ghost, mais non. C'est une vraie personne, c'est pas elle. Non, et c'est ça, il y a Gabrielle Robin, justement, qui a participé aux chansons dans Macross Plus, mais elle a aussi d'autres collaboratrices, et elle a dit exactement aussi que sur certaines pièces, c'est pas vraiment un langage, c'est vraiment plus comme des mots pour une sonorité. Pour un autre type d'effet. OK. Oui. Wow. Mais Yoko Kanno aussi, elle a fait un album qui a rien à voir avec un film. Oui, elle a des albums sous son nom. Qui s'appelle comment déjà? Songs to Fly. Songs to Fly. Ouais, ça fait longtemps que j'ai écouté ça. Puis, je veux dire, ça, dans cet album-là, tu vois que ça s'est fait plaisir parce qu'il y a tous les styles qu'on a mentionnés. Il y a même une toune qui fait quasiment Tom Waits. Okay. Avec un espèce de vieux alcoolique qui chante, puis une espèce de boîte à musique là, qui sort de fond de trame. C'est un artiste, quelqu'un qui aime la musique, point, doit découvrir Yoko Kanno. Ouais. Donc, après le concert, on a justement ce qu'on a appris. Quand on écoute Macross Plus et le concert, on voit l'arrière-plan. Donc, tout le monde est un peu dans l'auditoire, le public est un peu hypnotisé, parce que c'est à la fois auditif, bien sûr, mais il y a toute une prestation visuelle qui va avec ça. Et à l'entrée, quand les gens rentrent dans l'immense salle de concert, ils sont remis un petit bracelet qui contrôle les pulsions cardiaques et tout ça. Et en fait, quand on va dans l'arrière-scène, et même avant le concert, on comprend que ils vont... adapter le concert en fonction des niveaux de dopamine qui sont donnés au public. C'est fou, ça. Et en fait, on apprend que Sharon Apple, le monolithe PC, qui fait toute la machinerie, le travail de... C'est drôle que t'aies dit PC, puis qu'elle s'appelle Apple. Ah. C'est quand même hot, là. Ça, c'est la magie, la magie de l'analyse. Ouais. Et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est ce qui donne la vie, l'émotion... C'est Mi-Hoon, justement. Fait que derrière son faux clavier de productrice, elle est carrément clouée un petit peu comme sur de dos. Ok, c'est pas important ça. Non, vas-y. En fait, elle est pluguée de partout et c'est elle, un peu ses émotions, qui filtrent qui influence Sharon Apple, ouais. le personnage virtuel. Donc, elle n'est pas juste virtuelle à 100%. Il y a une humanité qui la feed. Oui, oui. Ben, c'est ça, comme, c'est un des punchs. Sauf que j'ai l'impression qu'on a comme pas assez parlé de la rivalité entre Gold, ouais. Bowman. Oui. C'est quand même cool comme nom. Et Isamu Dyson. C'est que, on sait que, bon, évidemment, les deux se font engager pour tester des nouveaux prototypes de Valkyrie, de vaisseaux. Isamu, il est très analogue, très genre avec des manettes, puis plein de pitons, puis il contrôle tout ça manuellement. Mm-hmm. Tandis que Gold, il est juste plugué avec son cerveau, puis il est en espèce de séquence de méditation, puis c'est comme ça qu'il contrôle son... C'est des avions, dans le fond. C'est des avions qui se transforment en robots. T'sais. Oui. Sauf que, évidemment, faut qu'ils testent... leur job, en fait, c'est de tester les engins pour savoir quelle technologie marche le mieux. Puis, vu que les deux saillissent, ben, ils testent pas ça d'une manière complètement... legit, j'allais dire... Protocolaire. Ah, oh, man, t'es parfait, man. T'es parfait. Fait qu'ils vont tester ça, mais comme en se bitchant, en se mettant des bâtons dans les roues. Ouais, plus Simo qui va provoquer, que, comme tu l'avais dit au début, il va faire tout en sorte d'aller en dehors de ce qui est demandé, tandis que Gold, il est très docile, il va répondre aux attentes, mais sans dépasser. Puis il y a une petite séquence en trois images qui se superposent, qui montrent le progrès parmi les activités, les étapes à franchir. On voit Gold, c'est tout droit, tandis que Isamu, c'est tout croche, mais les barres dépassent. Exact. Donc, il accomplit plus en étant tout croche. Exact. Puis, évidemment, ça frustre Gold, sauf que tout le long, c'est sous-entendu, évidemment, qu'il s'est passé quelque chose dans le passé. Oui. Parce que les deux, ils saillissent tellement, sauf que, si on se rappelle de la séquence d'ouverture, c'était des potes. C'était des gens qui travaillaient ensemble pour construire une espèce de nouvel engin qui vole, mais comme des ados qui construisent une machine bric-à-brac tout croche. Ouais. Fait que là, tu fais comme, qu'est-ce qui est arrivé? Et évidemment, on le sait, on le sent, que Mion est au cœur de ça. Ouais. Fait que ça c'est la grosse tension qui te drive tout le long de la série. C'est que peu importe qu'est-ce qui se passe... Tu sens tout le temps qu'il y a cette espèce d'animosité-là, puis tu fais comme, mais pourquoi? Ouais, il y a un traumatisme non résolu qui provoque toutes ces tensions-là. Est-ce que toi, tu penses que tu as compris qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est suggéré, mais c'est jamais dit clairement qu'est-ce qui s'est passé. Ah, ben, quand même. Ouais? Quand même, oui. Ben je serais curieux d'entendre ta version. Si tu veux qu'on... Ouais, OK. Parce que... Comme tout bon récit, on y va au compte-gouttes, et plus à l'avance, on en voit plus dans les souvenirs de Gold, tout ça. Puis c'est présenté dans un petit filtre rose qui dit qu'on est en mode souvenir, tout ça. Mm-hmm. Et quand c'est présenté dans son intégralité, on voit vraiment la vision de Gold qui rentre dans un logement, et on voit Mion qui est avec Isamu, qui sont juste... habillé, en train de parler, tout ça. Finalement, Gold tasse Isamu, il va directement sur Mion, déchire sa robe, et puis ensuite se relève, se voit dans le miroir, et puis comprend que c'est ça. Ouais. Et finalement que... Ça, je pense, en plus, ce flashback-là arrive pendant qu'il est en train de piloter. Oui, c'est juste dans la dernière étape de pilotage avec Isamu, puis là, c'est la grosse rivalité, puis il se tire vraiment dessus, tout ça. Et ça se termine avec ça. Juste avant de voir tout, de comprendre vraiment tout ce qui était passé, tout ce qui avait bloqué toutes ces années-là, il envoie des millions de missiles à Isamu, puis là, on voit une explosion, puis on pense que, OK, lui est mort, lui, il vient de catcher, qu'est-ce qui vient de se passer, et voilà, c'est la révélation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, t'avais des doutes là-dessus? Mais non, mais ce que tu viens de dire, je le savais, sauf que ce qui est pas clair, c'est... Pourquoi? Est-ce que c'est par pure jalousie? Parce que moi, ce que j'imagine, OK? Puis ce qui est sous-entendu, mais comme tu dis, cette séquence-là est claire, c'est un flashback. On voit que Gold Bowman a de la misère à se contrôler, à contrôler ses émotions. Ouais, dès qu'il touche des parcelles de cette mémoire-là, physiquement, il y a des troubles et il est pas capable de continuer. Il bloque vraiment. Puis après ça, on sent que même si Isamu et Miyun n'étaient pas un couple, il y avait clairement une connexion. Les deux, ils fitaient plus. Puis ça serait en fait la jalousie de Gold qui le pousse à commettre. Pas, tu sais, il a pas violé personne. Non. Sauf qu'il a manqué de contrôle. Il est rentré dans l'appart. Il a tout décalissé. Puis ça a fait une rupture dans le trio. Moi, c'est là que je suis comme... Il manque, d'après moi, un petit élément de puzzle. Parce que normalement, si deux personnes se plaisent, puis il y en a un qui est jaloux, puis qui arrive, puis qui pète une coche, ben on l'envoie chier, mais on reste ensemble. Qu'est-ce qui fait maintenant que les trois se séparent? Ça veut dire que, d'après moi, il est arrivé quelque chose en plus avec peut-être Isamu. Qui est laissé libre à l'interprétation des auditeurs. Puis, connaissant Isamu, c'est quelqu'un qui est très, comme on a dit tantôt, une tête chaude, mais qui deal zéro avec ses responsabilités. Et qui va tout le temps repousser son vrai soi. Là, t'sais. Comme aussitôt que ça devient sérieux, il fait comme « fuck off, moi je m'en vais faire du bungee. » Ouais. Fait que j'ai l'impression que peut-être lui, par rapport à ça, il savait pas comment réagir, puis il est parti. J'ai l'impression que c'est pas Miyun qui a fait comme « oh mon Dieu, c'était tellement traumatisant ce que je viens de vivre que je dois quitter cette planète. » J'ai l'impression que c'est lui qui a fait comme « fuck, je sais pas comment dealer avec ça, je veux pas me battre avec mon chum. » j'ai peut-être pas la maturité pour protéger la femme que j'aime, fait que je vais juste comme fuck off, je m'en vais dans l'espace, puis je m'en vais à la guerre. Puis ça, c'est le côté qui est pas dit, parce que pourquoi les trois se parlent plus, on le sait jamais vraiment. On sait qu'il y a eu un fuck avec Gold, mais. Puis ça, je trouve que ça rajoute tellement à l'histoire, puis c'est une structure narrative qui a même été reprise dans Cowboy Bebop, c'est l'intrigue est tellement simple. Que si tu la sais, c'est décevant. Ouais. Fait que tu vas juste la suggérer tout le long. Tu sais, dans Cowboy Bebop, c'est ce qui est arrivé avec Spike et Julia. On le sait un peu, mais il nous manque tout le temps des parties du puzzle. Puis on nourrit ça. Puis on le nourrit constamment. T'sais. Contrairement à Macross Plus, Cowboy Bebop, c'est une série télé, 26 épisodes. Donc on a le temps de garder le public en amène. Mais tu vois, c'est quand même intéressant ce que tu dis. Parce qu'en le réécoutant récemment, Macross Plus, tu vois, j'avais été un peu déçu par le traumatisme est révélé, tout ça, clac, c'est résolu, on passe à autre chose, même si c'est très, très chargé émotionnellement, mais l'aspect de vouloir chercher pour compléter le casse-tête avec l'interprétation, ça c'est intéressant. Mais tu vois, moi c'est vraiment, personnellement, c'est tout l'enrobage, moi je trouve que c'est extrêmement exotique, puis surtout comme première... une des premières nations japonaises qu'on découvre. Donc là, c'est l'impact est gigantesque. Ah oh, oui. Ah non, ça redéfinit ce que c'est l'animation. Évidemment, pas aujourd'hui, parce que... Mais ça a bien vieilli. Ça a super bien vieilli. Oui. Et pour vrai, je conseille à tout le monde de le réécouter. Genre, c'est comme... Faut vous le réécouter, que ce soit la version genre en OAV, en 4 épisodes, ou en film. Oui. Un des deux, vous pouvez tomber dessus, réécoutez-le, ça vaut la peine. Sauf que à l'époque, c'était juste comme... c'était mind-blowing. Ouais, on a dit qu'on faisait pas d'anglicisme, mais j'ai juste ça dans la tête. Visionnaire. C'était... Puis c'est drôle parce que la compagnie japonaise qui produisait s'appelle Pioneer. Ah, oui. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec le titre de la compagnie, mais pour moi, c'était un pionnier dans ce genre-là parce que c'était la première fois. Avant même... Le premier cell d'animation, il y a un petit texte au début, c'est « Dedicated to all pioneers ». Ouais. Je pense que c'est pas les employés de la compagnie. Non. Mais en même temps, il y a un lien à faire avec Isamu et Gold qui créent une machine pour voler au début. T'sais. Tu t'imagines que c'est deux kids qui veulent aller d'un vaisseau dans l'espace, mais qui n'ont pas les moyens pour, puis qui se créent eux-mêmes une patente. Puis un petit détail qu'on a oublié de mentionner, mais ils sont à la recherche d'un oiseau aussi. Un oiseau super rare qui revient plus tard. Oui? Ouais. Quand que Isamu est gravement blessé, puis il est dans le plâtre, puis il sort de l'hôpital, il se ramasse avec Miyun. Dans un plan super exotique. Exactement, comme d'une forêt où on ne sait pas trop. Puis il voit cet oiseau-là qu'il recherchait au début. C'était pour aller chercher cet oiseau-là. OK. Mais je me rappelle pas que ça a été mentionné explicitement qu'il cherchait, qu'il y ait cette quête-là. De... Je pourrais pas le quoter, là, okay. Mais il y a une référence à ça parce qu'ils font comme « Ah, t'as essayé de construire ta machine pour aller voir ce maudit oiseau-là. » Puis ah. L'oiseau, il passe en même temps, puis okay. Il fait comme « Ah, il est là! » Puis tu sais, c'est une espèce okay. De gigantesque oiseau. Ouais, puis il y a des petits croisements un peu avec les dinosaures, un peu, je trouve. Ouais, que, genre, ouais, ouais. La c'est faune comme, et c'est la comme... flore est très rétro-futuriste, bizarre. Ben, de là, le sens d'appeler cette place-là Eden. Ouais. Tu sens que c'est la planète que tout va bien, qu'il y a un écosystème, la technologie n'empiète pas. C'est pas un futur à la Blade Runner. C'est pas pollué, tu sens que tout est clean. De ce qu'on voit. De ce qu'on voit, mais tu sais, on sent aussi qu'il y a plein d'autres planètes habitées. Là. Ouais. C'est pas juste la Terre. Là, c'est quoi le prochain point? Attends, j'allais peut-être finir juste en avec un truc en disant que probablement pour moi c'est Isamu qui est parti parce que Miyun est clairement en amour avec Isamu. Tout le long, on sait pas trop. Elle essaie de se reculer puis elle est très froide. Sauf que à la fin, Sharon Apple prend une personnalité un peu comme Hal, prend sa propre personnalité, prend sa propre indépendance et elle veut une chose et c'est Isamu. Ouais, parce que cette première impulsion là vient de Miyun. Exactement. Donc il y a un amour profond qu'elle a. Et en fait ça a été matérialisé si tu veux par le scientifique qui accompagne Miyun Sharon Apple dans les tournées et qui a mis la main sur une puce illégale qui donne à Sharon Apple justement cet aspect, cette sentience-là pour développer. Et donc c'est ça, à la fin, là, on a couvert quelques points tout croche, mais c'est ça, dans le fond, à la fin, c'est Sharon Apple, son dernier concert, elle rend tout le public hypnotisé, elle prend... Comme le contrôle, ouais, elle prend le contrôle de la grosse forteresse de Macross. Et finalement, elle veut Isamu à tout prix. C'est ça. Ouais. Puis la grosse forteresse de Macross, il faut se rappeler que c'est devenu une espèce de building légendaire, mais à la base, c'est un robot de guerre. Il y a des missiles là-dedans, puis elle peut envoyer des drones, puis n'importe quoi. Fait qu'elle prend le contrôle de tout ça, c'est comme si on prenait le contrôle du gouvernement américain. Là, c'est comme tu peux peser sur le piton rouge. T'as le droit. Là, Et l'autre chose qu'on a oublié de mentionner, c'est que après avoir effectué pratiquement tous les tests requis, Isamu et Gold pour le YF-19, YF-21, leur superviseur leur annonce que tout est annulé, tout est mis à la porte parce qu'ils vont y aller avec un unmanned fighter, donc un vaisseau sans pilote. D'une intelligence artificielle, donc le Ghost X9, qui à la fin justement est pris en contrôle par Sharon Apple, et donc justement à la fin Isamu va pour sauver Miyun, Gold va pour combattre le Ghost, et ça je me rappelle justement, je l'ai pas vu récemment l'édition de film, que je sais pas si je l'ai dit au début ou plutôt. Où il y a des scènes rajoutées. C'est ça, il y a environ 20 minutes d'animation différentes ou rajoutées. Et une des scènes qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à la fin, il pousse tellement pour accoter le Ghost au niveau de la vitesse que la forgée lui rentre dedans, ses yeux éclatent. Ouais. Donc ça, cette séquence-là est plus approfondie dans le film. Ouais. Dans la série d'OAV, on voit juste qu'il se sacrifie. Gold, on parle de Gold. Ouais. Il se sacrifie, fait que à travers tous ses manques de contrôle et sa personnalité un peu dark, à la fin, il fait rédemption de lui-même, puis il fait le bon geste, sauf qu'il se sacrifie. Sauf qu'on voit rien. T'sais, ça finit comme dans la lumière. C'est juste une mini-explosion, c'est très... le plan est de très loin. Dans le film, on voit tout. On voit le gros gore. on voit sa tête qui explose. Fait que... C'est ça, en fait. Moi, je m'en rappelle, ça m'avait marqué. Okay, ça. C'est ça, t'avais vu les deux, toi aussi. Moi, j'ai vu les deux, Bon, voilà. Fait que, pour ceux qui font comme... mais là, si tu as une histoire d'amour plate de personnes qui parlent d'un bureau, il y a quand même... Le scénario est quand même bien fait pour que les fans de Macross et les fans de Robotech puissent voir des robots se battre. Oui. Fait qu'on parle de la rivalité de Gold et de Isamu, mais mm-hmm. aussi la finale justement avec les drones, les Ghosts. Comment ils s'appellent les Ghosts? Ah, juste un. Les Ghost Fighters? Ghost X9. C'est Ghost X9. Un seul. Fait que c'est comme le gros fight final. Ouais. Fait qu'il y a quand même beaucoup de scènes d'action. C'est ça. Même si vous voulez plus concentrer action, je vous conseille l'édition du film, qui est plus courte. Et, toi, plus laquelle t'as préféré? Quelle version t'aimes le plus? Faudrait que je revoie la version film, mais je dirais l'OAV pour le développement des personnages. Moi tout. Même si c'est pas profond à fond. Là. Ouais. Encore une fois, c'est vraiment l'enrobage, la forme que j'aime beaucoup. À la limite, ça pourrait être une histoire d'appartement sans les vaisseaux, sans la technologie, sans la musique, tout ça. Mais c'est souvent les meilleures histoires de science-fiction, c'est des histoires qui vont toucher personnellement, peu importe le contexte. Ouais. C'est l'histoire qui vieillisse aussi le mieux, fait que ça vieillit bien en maudit. C'est un thumbs up ou un thumbs up? Je pense que c'est un thumbs up assez clair. C'est une chaude recommandation. C'est... Vous pouvez donc trouver un glorieux VHS pour les... si vous voulez avoir la même expérience que nous, qu'on l'avait eu quand on était plus jeune. Mais non, c'est quand même, je crois, assez trouvable, pas trop... Sur Amazon. Ouais, Amazon eBay. Oui, donc, le DVD unique pour la version film, le DVD OAV, c'est deux DVD, donc épisode 1 et 2, épisode 3 et 4. Il y a une version Blu-ray qui existe, malheureusement seulement en import, du côté du Japon et de l'Europe, je crois, et ça, c'est quand même pas indispensable de ce que j'ai vu. Alors, si vous pouvez mettre la main sur le DVD, mais ça vaut la peine. Et on espère que ça n'a pas été tout croche et qu'on va pouvoir... C'est notre premier, mais donnez-nous une chance, ça va être mieux dans le futur. Hein. Donc, ce qui s'en vient, c'est d'autres animés, des mangas, des jeux vidéo, des trucs qu'on a aimé vivre, découvrir dans la cave, puis on veut vous faire découvrir ça. Exactement. Fait que là, on finit en musique? Oui, alors c'est à mon tour. Alors, si on veut écouter, je reste dans le Japon avec un groupe qui a toujours su se renouveler, avant-gardiste et jamais copié. Ouais. On va écouter Loop Nebula de Melt Banana. Melt Banana! Ok, bye, prochaine!